scandale. S'il y a d'autres candidats, je suis un vrai démocrate. J'accepte les pancartes, je suis pour les primates, pour les filles qui se grattent, pour le pur mercadate. J'aime celles qui ont les mêmes watts, celles qui se déshydratent, sont celles-là qui s'éclatent, le mieux être 200 watts. J'aime les couper dans l'ouat, qui aiment bien qu'on les batte, à coup de poing, à coup de latte, et qui trouvent ça batte. La cheveux qui se dilate, le foie gras et la rate, l'anglaise qui te dit what, quand tu la mets en boîte. Je suis pour celles qui en tapent, lorsqu'après couche des maths, je suis pour les mille pattes, et pour les acrobates. C'est la dernière en date. S'il y a d'autres candidats, je suis un vrai démocrate. J'accepte les procrates, je suis pour les primates, pour les...